Cet Antonin s'appelait Monsieur Rolichon. Il aimait la musique, il la savait, et chantait dans de petits concerts qu'il faisait avec ses amis. Il n'y avait rien là que d'innocent et d'honnête. Mais ce goût dégénérait apparemment en fureur, dont il était obligé de cacher une partie. Il me conduisit dans une petite chambre que j'occupais, et où je trouvais beaucoup de musique qu'il avait copiée. Il m'en donna d'autres à copier, particulièrement la cantate que j'avais chantée, et qu'il devait chanter lui-même dans quelques jours. J'en demeurai là, 3 ou 4 à copier, tout le temps où je ne mangeais pas, car, de ma vie, je ne fus si affamé, ni mieux nourri. Il apportait mes repas lui-même de leur cuisine, et il fallait qu'elle fût bonne, si leur ordinaire valait le mien. De mes jours, je n'eus tant de plaisir à manger. Il faut avouer aussi que ces lipés me venaient fort à propos, car j'étais sec comme du bois. Je travaillais presque d'aussi bon cœur que je mangeais, et ce n'est pas peu dire. Il est vrai que je n'étais pas aussi correct que diligent. Quelques jours après, M. Jorolichon, que je rencontrais dans la rue, m'apprit que mes parties avaient rendu la musique inexécutable, tant elles étaient trouvées pleines d'omissions, de duplications et de transpositions. Il faut avouer que j'ai choisi là, dans la suite, le métier du monde auquel j'étais le moins propre. Non que ma note fût belle et que je ne copiasse fort nettement, mais l'ennui d'un long travail me donne des distractions si grandes que je passe plus de temps à gratter qu'à noter, et que, si je n'apporte la plus grande attention à collationner mes parties, elles font toujours manquer l'exécution. Je fis donc très mal, en voulant bien faire, et pour aller vite, j'allais tout de travers. Cela n'empêcha pas M. Rolichon de me bien traiter jusqu'à la fin, et de me donner encore en sortant un petit écu que je ne méritais guère, et qui me remit tout à fait en pied. Car, peu de jours après, je reçus de nouvelles de maman, qui était à Chambéry, et de l'argent pour l'aller joindre, ce que je fis avec transport. Depuis lors, mes finances ont souvent été fort courtes, mais jamais assez pour être obligé de jeûner. Je marque cette époque avec un cœur sensible aux soins de la Providence. C'est la dernière fois de ma vie que j'ai senti la misère et la faim.